Chapitre 339. La réprobation de prier alors que le repas est servi et que l'on désire en manger, ou si l'on a une envie pressante de faire ses besoins naturels. 1753. Aïcha, radiallahu anha, rapporte qu'elle a entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Il n'est pas permis d'accomplir la salat alors que le repas est servi ou que l'on se retient de faire ses besoins naturels. » Muslim.